JC Beat Music. Ok, c'est le moment de prendre les mouchoirs. Viens chercher ta bénédiction. Oh, la royo. Waouh, oh, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni, oh, eh. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a béni. Eh, hey, il m'a béni, oh. Aujourd'hui là, oh, je suis dans la joie parce que Dieu m'a élevé, oh. Eh, hey, la coca du pao, eh, hey, yo, yo. Béni-moi. Je respire encore, béni-moi. Mon cœur n'est pas mauvais. Béni-moi. Je veux te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie. Béni-moi. Béni-moi. Béni-moi. Béni-moi. Dieu béni, oh. Il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, Dieu béni, oh, béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, Dieu béni, oh, béni, oh. Aujourd'hui là j'ai la santé, mes affaires ont prospéré. Des années qu'on attendait, ma femme a couché, oh, j'ai eu du boulot, oh, ma vie a changé, oh, j'ai payé maison, oh, dans les quatre coins du monde, oh, mon général Matosso, oh, Maxwell Corné, faut leur dire que c'est mon Dieu qui contrôle, y'a même pas l'homme pour lui, eh. Ah, I'm not basta, no. La coque à nous pas, oh, hey, yo. Yeah, oh, coco la japonaise, oh. Stéphanie Aguio, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni, oh, eh. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni, Dieu béni, oh, béni, oh, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni, oh, eh. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, eh, qui veut, il m'a déjà béni. Béni, oh, béni, oh. Oh, je te serai toujours reconnaissant. J'ai eu des moments difficiles, j'ai pleuré. Cela m'a rapproché de toi. Eh. Je te serai toujours fidèle, oh, fidèle, oh. Parce qu'avec toi, on tape jamais photo. Yeah. Oh, bah, oh, yeah. Les médecins disent que mes jours sont comptés. Mais ils ne savent pas que tu es puissant. Faut leur montrer qu'avec toi y'a jamais photo. Béni-moi. Je respire encore, béni-moi. Mon cœur n'est pas mauvais. Béni-moi. Je veux te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie. Béni-moi. Et Maxi Gradello, béni-moi. Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, oh. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni. Béni, oh, béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni, Dieu béni, oh, béni, oh, Chantal et Wayo, Nina Bona, Roselyne Badjo, Cheikh Kano, Ini de la Jo, oh, Marlène Coty, ma maman, Célie Brigitte. Clarisse et Milzo Agnès Coco, Pastafa, mettez toujours Dieu dans vos vies. Amandine Bible, JC Guitare Musique.